Chapitre 4. À deux jours de là, le comte Mario de Meghan se promenait avec son ami Feldern sur la terrasse Brühlen. Le comte était, comme à son ordinaire, sombre et taciturne. C'était Feldern qui soutenait la conversation, ou plutôt, qui se livrait à un monologue, racontant toutes les anecdotes scandaleuses de la ville, semant sa narration de saillies et de réflexions plaisantes. Comme la gravité de son compagnon ne se déridait pas, il était réduit à pousser lui-même de grands éclats de rire à chaque bon mot qui lui échappait. Tout à coup, Mario leva la tête et sortit de sa rêverie. « À propos, vous deviez me présenter à cette belle statue qui dessinait l'autre jour sur la terrasse. Comment la nommez-vous ?»« Faustine, comtesse d'Obernau, » répondit Feldern. « Mais, mon cher ami, je vous ferai remarquer deux choses. Primo, vous m'interrompez par un à propos qui n'est pas du tout de saison. Secondo, la comtesse d'Obernau n'est nullement une statue, si ce n'est pour la beauté et la régularité des formes. Soyez sûr, mon cher Mario, qu'elle n'a pas la froideur du marbre. De plus, elle est douée de ce que nous appelons aux universités la locomotivité. Hier, elle est partie pour un voyage de quelques mois, et comme de juste, le comte Andlau est parti avec elle. Marié ou non, le comte Andlau me paraît digne d'envie, surtout dans le dernier cas. N'est-ce pas votre opinion ?»« Elle est partie ?» répéta Mario avec une contrariété manifeste. « Parti ?» ajouta-t-il comme en se parlant à lui-même. « Mais elle reviendra. Et alors ?»« Feldern, vous me connaissez. Je suis de ces hommes qui se laissent prendre à la première vue. Il y a des personnes dont l'aspect me frappe vivement et m'inspire d'abord une irrésistible sympathie. Celles-là, je ne les oublie jamais. Et pour les rejoindre, quand les événements me séparent d'elles, je surmonterai tous les obstacles. « Eh bien ?» demanda Feldern. « Eh bien ?» « La comtesse Faustine est du nombre de ces personnes, et je tiens beaucoup à lui être présentée. Vous le serez, mon cher comte, je m'en charge. Mais n'allez pas tomber amoureux de la comtesse. »« Amoureux ?» dit Mario en détournant la tête. « Quelle folie ! Je l'ai à peine entrevue à un moment. »« C'est que vous risqueriez fort de perdre votre temps et vos peines. » Tous les lions de la ville ont tenté sa conquête. Elle les a tous repoussés avec ses dignités calmes dont elle a seule de secret. « Moi-même ? Comment vous-même ? « Mais ne m'avez-vous pas dit que vous étiez fiancé ?»« Sans doute, depuis 4 ans. »« Et vous aimez votre fiancé ?»« Je l'aime passionnément. »« Et vous cherchez à plaire à une autre femme ?»« Écoutez donc, je ne vais faire ma cour à ma fiancée qu'une fois par semaine, car elle habite la campagne. Il faut bien occuper ses loisirs. »« Et vous, Mario, est-ce que le dieu de l'hymen, comme disent les Français, ne vous rangera pas bientôt sous sa loi ?»« Je ne le crois pas, Feldern. » Je n'ai pas encore rencontré sur ma route une femme que je fusse désireux d'épouser. Le mariage, c'est une affaire sérieuse, pour moi du moins. Celle que je choisirais, je voudrais l'aimer, n'aimer qu'elle, ne vivre que pour elle. Je voudrais en être aimé, uniquement. Vous voyez, mon cher Feldern, que vous exigez beaucoup. Mais non, rien de plus que ce que je donnerais. Ce n'est point là une raison. Ce devrait en être une. En attendant, je suis libre. Mais il y a bien des moments où ma liberté me pèse, où la folle dissipation de la jeunesse me fatigue, et où j'aspire à des plaisirs plus vrais, plus durables, plus conformes aux besoins de mon cœur. Mon Dieu, les jouissances de la vanité, de l'ambition et d'un amour passager sont-elles seules que l'on puisse goûter ici-bas ? N'en existe-t-il pas d'autres ? Ce qu'on appelle la paix d'un ménage, la douceur d'une union bien assortie, le bonheur de la paternité, tout cela n'est qu'un vain mot. « Sur ma foi, je n'en sais rien, mon cher comte, et j'en suis fâché, car vous êtes superbe d'éloquence dans vos apostrophes, qui, soit dit en passant, tiennent de la prosopopée. Mais voici 4 heures. Tous les habitants de la bonne ville de Dresde sont à table. Allons dîner. »